السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، louons Inch'Allah. Nous retrouvons ce soir, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur les ondes de la radio Taqwa, qu'Allah récompense ceux qui sont derrière, ceux qui sont à l'origine de cette radio. Et on se retrouve pour la suite du sujet concernant le mois d'Allah al-Muharram. Comme vous le savez, ces jours, nous allons vivre un grand jour, parmi les grands jours d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné beaucoup de mérites. Un jour durant lequel Allah a fait périr le grand tyran sur terre, et a fait périr le plus grand tyran sur terre et le plus grand criminel, Pharaon. Allah l'a fait périr en un clin d'œil, et il y a dans cela des grandes leçons à retenir. Ce grand événement où Allah a élevé les croyants malgré leurs faiblesses, et rabaissé et anéanti les mécréants avec leur puissance, c'est le jour de Ashura, le 10e jour du mois d'Allah al-Muharram. Vous connaissez tous l'histoire de Moussa alayhi salatu wassalam avec ce tyran qui est Pharaon. Méditez cette situation critique dans laquelle s'y trouvait Moussa alayhi salatu wassalam et Banu Israël, au point où Banu Israël ont dit « Inna la mudrakoun » comme il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, « Nous allons être rattrapés » comme si Banu Israël disait à ce moment-là à Moussa alayhi salatu wassalam « La mer est devant nous, Pharaon est derrière avec son armée. Et si on s'arrête, ils vont nous rattraper. Et si on avance, on va se noyer dans la mer. » Imaginez cette scène et cette situation, et méditez cette confiance et cette certitude que Moussa avait en son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il a dit alayhi salatu wa salam, Kalla inna ma'i rabbi sayahdin. La traduction approximative du sens du verset, certes, mon Seigneur est avec moi, il va m'orienter. Donc, cela nous apprend que celui qui fait confiance à Allah, Allah lui suffit. Même si ceux des cieux et de la terre, tous complotent contre lui. قال عز وجل أليس الله بكاف عبده. La traduction approximative du sens du verset, Allah ne suffit-il pas à son soumis? Ce qui veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala se tient si soumis, leur donne la suprématie, les élève, les protège. Wa qala azza wa jal, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. La traduction approximative du sens du verset, quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Ce grand événement et ce grand triomphe de la foi sur la mécréance est un des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a eu lieu durant cette journée de Ashura. Donc, ce grand événement et ce grand triomphe de la foi sur la mécréance est un des grands signes d'Allah qui a eu lieu durant cette journée de Ashura. Donc, il faut Remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Et c'est ce qu'a fait Moussa alayhi salatu wassalam. Et c'est ce qu'a fait notre messager alayhi salatu wassalam. Et c'est vers cela que notre messager alayhi salatu wassalam a orienté sa communauté. Et c'est ce que les compagnons et leurs successeurs à la perfection ont accompli et ont fait. Et cette reconnaissance, celui qu'Allah a comblé avec sa grâce, la concrétise par le jeûne de ce jour, par le fait de jeûner, Ashura. Et notre messager l'a jeûné, alayhi salatu wassalam. Il a recommandé à sa communauté de le jeûner, et de jeûner un jour avant, ou un jour après, ou un jour avant et un jour après, pour se différencier du jeûne juif. Allah subhanahu wa ta'ala, pour des buts que seul lui connaît, a éprouvé un croyant parmi ses alliés et un grand homme, le petit-fils de notre prophète alayhi salatu wassalam, durant cette journée de Ashura, au l'an 61 de l'Hégire, qui correspondait au 10 octobre 680 de l'ère chrétienne. En effet, le petit-fils du prophète alayhi salatu wassalam, Al-Hussein, le fils de Ali, radiyallahu anhu wa ardah, et de Fatima, radiyallahu anha, a été tué ce jour-là. Il a été tué injustement, et les gens de la sunna considèrent comme quoi il a été tué martyr, radiyallahu anhu wa ardah. Avec cette mort en tant que martyr, il est élevé en degré auprès d'Allah. En effet, les gens de la sunna et du consensus croient que le Hussein est mort en tant que martyr et qu'il a été tué injustement. Et comme l'a dit le messager alayhi salatu wassalam de ses deux petits-fils, Al-Hassan ou Al-Hussein, il a dit d'eux, Sayyida Shabab al-Jannah. Ce sont les deux maîtres de la jeunesse du paradis. Radiyallahu anhum ajma'in. La mort de Hussein a été une grande épreuve pour la communauté, une sorte de séparation et de distinction dans les rangs de cette communauté. Les gens se sont divisés après la mort de Hussein en deux parties et un juste milieu. Les exagérateurs et les laxistes, les gens du juste milieu par rapport à Hussein. Rawafid, les exagérateurs, ont dépassé les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant Hussein. Les laxistes, quant à eux qui sont nawasib, ont négligé la place des alliés d'Allah et de ses élus au point de se positionner comme adversaires à la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Et un troisième groupe à qui Allah a donné la réussite ont pris le juste au milieu par rapport à Hussein et par rapport à la famille du prophète alayhi salatu wassalam et dans tous les domaines qu'Allah nous raffermit dans leur voie. Les exagérateurs, Rawafid, ont transformé Ashura de chaque année en un jour de lamentation, de tristesse, durant lequel ils accomplissent des actes qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas et n'agrée pas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fortement interdit. Et tout ce qu'ils font durant cette noble journée ne fait pas partie de la religion musulmane. Les actes qu'ils pratiquent font partie des actes des gens de la période pré-islamique. Se lamenter pour les morts, se lamenter pour la mort de quelqu'un, se déchirer les vêtements, se griffer le visage, implorer autre qu'Allah, chercher secours auprès de l'Hussein, etc. Au lieu qu'il fasse de Ashura un jour de reconnaissance à Allah, et de remerciement pour avoir fait triompher la foi sur la mécréance, ils ont transformé ce jour en un jour de tristesse et de lamentation et de pleurs durant lequel ils font couler leur sang pour la mort de Hussein, et beaucoup, sinon la grande majorité parmi eux, se rapprochent d'Allah par le fait de se fouetter et de faire couler leur sang et se donner des coups de sabre, croyant que ceci va leur prévaloir le pardon d'Allah et les élever en degré auprès d'Allah. Hayhat, hayhat. Ceci ne fait pas partie de la religion d'Allah. Et ceci n'est pas toléré, ni confirmé, ni par le Hussein, ni par son frère Al-Hassan, ni par leur père Ali, Ridwanullah Ali Majma'i, ni par les autres compagnons, ni par ceux qui les ont suivis à la perfection. Face à ces exagérateurs qui sont Rawafid, vient le groupe, l'autre groupe, l'autre extrême, qui sont les laxistes, qui se sont comportés et se comportent avec la famille du prophète alayhi salam avec mépris, dédain, en leur ôtant leur place qu'il aurait dû. Ceux-là, ce sont Nawasib, qui ont déclaré les hostilités et la guerre à la famille du prophète alayhi salam et la haine de la famille du prophète alayhi salam. Et concernant le jour de Ashura, Nawasib, on en fait un jour de divertissement, un jour de joie, un jour où ils préparent des plats spéciaux pour cet événement, où ils mettent leurs plus beaux vêtements, ainsi qu'à leurs enfants. Et comme vous le voyez, c'est une voix qui fait face à la voix des Rawafid et qui est en opposé à celle-ci, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. La meilleure des situations, c'est le juste milieu. Pas de négligence et pas d'exagération. Et c'est la voie et la situation des gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna. Cette fraction de la communauté suit son messager et ses nobles compagnons, radhiyallahu anhum, dans leur voie concernant Ashura et en général, et aussi concernant la famille du prophète, alayhi salam. Ce qui est arrivé au noble petit-fils de notre prophète, alayhi salam, le Hussein, radhiyallahu anhu, arda, est un crime horrible. C'est une injustice. Et, en étant guidés sur la voie des gens de la Sunna, nous devons être reconnaissants à Allah, subhanahu wa ta'ala, d'être sauvés des voies de l'égarement. Louange à Allah, qui a ouvert nos cœurs et les yeux de nos cœurs, et qui nous a fait éviter la voie des extrémistes égarés de tous bords. Voyons cette innovation de la tristesse chez Rawafid. Et pour le rappel, ce groupe de l'égarement prétend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement désigné Ali pour lui succéder en tant que calife. Ils prétendent que Ali est un imam infaillible et que celui qui est en divergence avec Ali est un mécréant. Wallahu al-musta'an, ils se décrètent comme mécréants eux-mêmes, parce que c'est eux qui sont en divergence avec Ali radiyallahu anhu arda. Et ils prétendent que les compagnons, les muhajiroun ainsi que l'ansar, ont caché ce texte, le messager, a désigné Ali pour lui succéder et pour être le calife après lui. Et ils disent que le muhajiroun et l'ansar ont suivi leur passion et qu'ils ont changé la religion et la législation d'Allah. Et ces rawafid ont rendu mécréants les compagnons à part quelques-uns qu'on peut compter sur les doigts d'une main. Ils ont dit qu'Abu Bakr et Omar sont restés dans l'hypocrisie. Rawafid, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les maudisse, s'allie aux chrétiens et aux juifs contre les musulmans sunnites. Et c'est par leur biais que sont apparues toute forme d'hypocrisie et d'hérésie dans la communauté musulmane. Les groupes ésotériques et leurs similaires, c'est par la voix d'Al-Rawafid que tout ceci est apparu. Il n'y a aucun doute que les Rafida sont pires que les Khawarij. Les Khawarij, c'est des grands égarés et des grands déviants. Mais les Rafida sont pires qu'eux. Les Rafida, ce sont beaucoup de groupes différents. Il y a ceux qui croient en 7 imams, ceux qui croient en 12 imams, et ainsi de suite. Pour plus de détails sur Rafida, il faut revenir au recueil des fatwas du Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah notamment, le tome 3, entre la page 357 et 356, et revenir au livre Al-Farq Bayn Al-Firaq et d'autres livres. Donc, durant le 10e jour de Al-Muharram, qui est Ashura, les déviants de la voie droite ont innové des horribles innovations pour la mémoire du jour de la mort de l'Hussein. L'Hussein, Ibn Ali, Ibn Abi Talib, l'Hashimi, le Qurashi, le Hashimite, le Qurayshite, le petit-fils du messager, le fils de sa fille Fatima radiyallahu anha, et de son cousin Ali radiyallahu anhu. Le Hussein, qu'Allah subhanahu wa ta'ala agréé, ressemble beaucoup au messager d'Allah. Le messager a dit le concernant, ainsi que son frère Al-Hassan, Sayyida Shabab al-Jannah, les deux maîtres de la jeunesse du paradis. Le Hussein a assisté avec son père à la bataille du chameau et à la bataille dérangé, c'est fait. Et à la bataille contre le Khawarij. Et en l'an 62 l'Hijri, il est sorti de Médine en direction de l'Koufa pour avoir l'allégeance de ses habitants. Mais ils l'ont trahi. Et il a été combattu par Ubaydillah ibn Ziyad à Karbala. Ubaydillah ibn Ziyad à Karbala était le gouverneur qui représentait l'autorité du Yazid ibn Muawiya sur l'Irak. Et sur Ubaydillah ibn Ziyad, c'est lui qui a ordonné de tuer le Hussein. Et pour plus de détails concernant le Hussein, il faut revenir vers Siyar al-Nubala de Imam Dahabi et al-Isaba. Et pour plus de détails sur la mort de le Hussein, il faut revenir à l'histoire qu'a écrite Tabari rahimahullah et l'histoire qu'a écrite Ibn Kathir al-Bidaya wa al-Nihaya. La mort de l'Hussein rahimahullah wa radiyallahu anhu a causé beaucoup de sédition dans la communauté, a causé beaucoup de sédition entre les gens, comme la mort de Uthman ibn Affan a été la grande cause des fitanes et de la divergence et de la division de la communauté jusqu'à nos jours. Quand Abdurrahman ibn Muljim a tué le prince des croyants, Ali ibn Abi Talib, ibn Abdul Muttalib, ibn Hisham al-Qurashi, le fils de l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, le quatrième khalife de la communauté, il est un des 10 à qui le messager a annoncé le paradis. Et le premier garçon, Ali, le premier parmi les petits garçons qui est rentré dans l'islam après Khadija. Il a été dit après Khadija et Abu Bakr, alors qu'il était encore un petit garçon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marié Ali avec sa fille Fatima radiyallahu anha. Et le prophète alayhi wa sallam, le jour, la nuit où il allait accomplir sa hijra, a laissé à sa place où il dormait, alayhi salatu wassalam, Ali. Et il lui a confié les dépôts que lui avaient confiés les Quraishites pour le rendre. Et Ali a assisté à toutes les batailles avec le messager, alayhi salatu wassalam, sauf celle de Tabouk. Pourquoi il n'a pas été à Tabouk? Tout simplement, le messager, alayhi salatu wassalam, l'a désigné pour le remplacer à Médine jusqu'à son retour de Tabouk. Et il était réputé, Ali était réputé, radiyallahu anhu, par sa bravure et son courage. Allah a facilité à Ali radiyallahu anhu arda la conquête de Khaybar. On a fait l'allégeance à Ali radiyallahu anhu arda. On lui a fait l'allégeance après l'assassinat de Uthman. Il a été le khalifa jusqu'à son assassinat, jusqu'à ce qu'il soit assassiné par Abdurrahman ibn Mourjim. Ali radiyallahu anhu arda était réputé être un grand juge parmi les compagnons et parmi ceux qui avaient beaucoup de science, voire Tabaqat ibn Sa'd et l'Isaba pour plus d'informations sur Ali radiyallahu anhu arda. Ce criminel qui est l'assassin de Ali radiyallahu anhu arda, qui est Abdurrahman ibn Mourjim, le Mouradi, Tad'uli, le Himyari, un Yémenite, un révolté, un assassin, était un dur cavalier, très fort. Et il a vécu la période pré-islamique. Et il a fait la hijra vers Médine à l'époque de la khilafa de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu arda. Et il a appris le Coran et la science chez Mu'ad ibn Jabal. Et ce Abdurrahman ibn Mourjim, c'était un mémorisateur et un savant et un adorateur. Il a assisté à la conquête de l'Égypte. Il y a habité. Et il était considéré comme le combattant de Bani Tad'oul. Et il fait partie des partisans de Ali. Et il a combattu avec Ali lors de la bataille de Siffin. Puis il s'est révolté contre lui après. Et il a poignardé Ali à l'aube du 27e jour de Ramadan de l'an 42 de l'Hijri, et Ali est mort à la suite de ce coup de poignard de ce criminel. Regardez ce Abdurrahman ibn Mourjim. Il avait de la science. Et en plus, c'est Omar ibn Khattab qui l'a envoyé là-bas pour enseigner aux gens. Et cela, s'il nous prouve quelque chose, nous prouve que nous ne devons pas être imbus par le savoir qu'on peut avoir et qu'on doit faire très attention, car les cœurs sont entre deux doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala, il les tourne comme il veut subhanahu wa ta'ala. Regardez, il a fait la conquête de l'Égypte et il était en compagnie de Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab l'a désigné pour aller enseigner aux Égyptiens. Et il a appris la science chez Mu'ad ibn Jabal. Et regardez comment il s'est terminé. C'était un horrible assassin parce que on relate dans les recueils de l'histoire que le poignard avec lequel il a poignardé Ali radiyallahu anhu arda à l'aube du 27e jour de Ramadan, il est resté très longtemps dans du poison. Il l'a laissé baigner dans un poison. Et que nous devons faire très attention à nous, à ne pas être imbus de ce que nous faisons et de ce que nous avons comme savoir. Et nous devons rester sur terre et avoir les pieds sur terre. Et puis, ce criminel, ses mains ont été coupées. Ses yeux ont été arrachés, sa langue a été coupée, puis il a été brûlé, et cela s'est passé dans la ville de Koufa, en l'an 40 de l'Hijri. Et pour plus d'informations, il faut voir l'Isal Mizan, l'Alam, etc. Ceci, frère en Allah, subhanahu wa ta'ala, est un concis d'histoire pour cadrer les événements. Et pour comprendre comment ces horreurs des innovations de Ashura se sont immiscées dans la communauté. Et quand Ali radiyallahu anhu arda a été tué, les compagnons ont fait l'allégeance à Al-Hassan, à son fils Al-Hassan, le fils de Ali. Et Al-Hassan, le messager a dit concernant Al-Hassan, il a dit, mon fils, En parlant de Hassan, mon fils est un maître. Allah va réconcilier par son biais deux grandes fractions de la communauté musulmane. Le hadith est rapporté par l'imam Bukhari, l'imam Ahmad al-Nasa'i. Et les choses sont arrivées, comme a dit le messager alayhi salam. Al-Hassan a délaissé le pouvoir à Muawiyah radiyallahu anhu majma'in et Allah a réconcilié par le biais de Al-Hassan les deux grandes fractions de la communauté musulmane. Et cette année a été appelée l'année d'Al-Jama'a, l'année de l'union. Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib al-Qurashi al-Hashimi, Abu Muhammad, le petit-fils du messager sallallahu alayhi wa sallam, sa mère Fatima, la fille du messager alayha radiyallahu anha wa sallallahu ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit de Fatima que Fatima sayyidatu nisa'il alamin. Fatima est la maîtresse des femmes des mondes. Al-Hassan est le maître du jeûne, de la jeunesse au paradis. Ah, comme l'a dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pour Al-Hassan et Al-Hussein. Al-Hassan ressemble encore plus au prophète alayhi wa sallam que son frère Al-Hussein. Et c'est le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a procédé à la aqiqa de Al-Hassan le septième jour de sa naissance. Et là, Al-Hassan a transmis du messager sallallahu alayhi wa sallam 13 hadiths. Et Al-Hassan est né lors du mois de Ramadan de l'an 3 de l'Hégire. Al-Hassan a fait 15 pèlerinages à pied. Et il a offert sa fortune pour Allah à la communauté deux fois. Il a été khalifa après son père 7 mois en Irak. Puis il a délaissé le pouvoir à Muawiyah radiyallahu anhu majma'in pour préserver le sang des musulmans et pour préserver l'unité des musulmans. Il est mort empoisonné en l'an 49 de l'Hégire ou en l'an 50 ou après. Ses qualités, les qualités de Al-Hassan sont nombreuses. Radiyallahu anhu arda. Ils sont cités dans les authentiques chez l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Et pour plus d'informations aussi, chez les biographes, il faut voir, concernant la biographie de Al-Hassan, Usud al-Ghaba et le résumé du Tahdib al-Kamal. Et dans ce que nous avons cité le noble compagnon pour lequel Al-Hassan a délaissé le pouvoir. C'est Muawiyah ibn Abi Sufyan, Sakhr ibn Harb ibn Umayya, le Quraishite, l'Umayyad. Muawiyah est rentré dans l'islam l'année de la conquête de la Mecque. Le messager d'Allah l'a pris comme scribe. Il écrivait la révélation pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ceux, il était du nombre de ceux qui écrivaient pour le prophète alayhi wa sallam. Il a assisté à la bataille de Hunayn, puis à celle de l'Yamama. Et il a transmis beaucoup de hadiths du messager alayhi salatu wassalam. Muawiyah était un maître, doué de raison, brave, généreux, courageux. Omar radiyallahu anhu arda l'a utilisé comme gouverneur sur Sham, le nord de l'Arabie. Ce qui est la Jordanie, la Palestine, le Liban, les territoires occupés, hein. Et Uthman, après avoir pris la khilafa après Omar, l'a utilisé aussi comme gouverneur. Et Muawiyah a été un bon gouverneur. Et il a fait beaucoup de combats sur le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et à l'époque de Ali, Muawiyah a demandé les assassins de Uthman pour venger Uthman radiyallahu anhu arda. Et il a insisté pour avoir les assassins de Uthman pour venger Uthman parce qu'il fait partie de sa famille. Et Ali radiyallahu anhu arda lui a demandé tout simplement de patienter un peu jusqu'à ce que la situation se stabilise. Parce qu'il y avait les séditions d'Al-Khawarij et ainsi de suite. Hein? Et ceci a été la cause des deux batailles, la bataille de Siffin et de Jamal, pour un but qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu dans son destin. Et en tous les cas, Ali radiallahu anhu arda et Muawiya, ce sont des nobles compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam. Ali est le quatrième khalif de cette communauté. Le gendre et le cousin du prophète alayhi salatu wa sallam. Il fait partie de ceux à qui Allah, ceux à qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a promis le paradis parmi les dix. Et Muawiya est un noble compagnon radiallahu anhu arda. Quand on a posé la question à Abdullah ibn Mubarak, qui est mieux, Muawiya ou Omar ibn Abdel Aziz? Il a répondu, la poussière qui est dans le nid, la poussière qui est rentrée dans le nid de Muawiya, radiallahu anhu arda, lors d'une bataille mieux que Omar ibn Abdel Aziz. Pourquoi il a dit ça? Tout simplement pour montrer l'importance des compagnons d'Allah alayhim. Et Muawiya, c'est une porte. Si on la défonce, c'est ce que faisait le Khawarij et ainsi de suite. C'est pour arriver à dénigrer les autres compagnons d'Allah alayhim. Regardez les sororis, ce qu'ils disent, et les Qutbis, ce qu'ils disent sur Muawiya. Et Muawiya a beaucoup de mérite. Cheikh Abdel Mouhsin Al-Abbad a fait une risala sur les mérites de Muawiya, radiyallahu anhu arda, comme d'autres hommes de science avant lui, rahimahumullah. Et donc Muawiya et Ali, dans leur position, ils étaient deux dignes de confiance et deux dignes de l'effort, de l'interprétation. Donc, ils ont fait des efforts. Hein, chacun a fait son effort d'interprétation, et Allah subhanahu wa ta'ala récompensera deux fois celui qui a eu juste, et celui qui a eu, qui était dans l'erreur, il sera récompensé quand même une fois pour l'effort d'interprétation, et parce qu'il était digne de l'effort d'interprétation. Et quand Al-Hassan a laissé le pouvoir à Muawiya, ceci a provoqué l'union et l'unité des musulmans. Et les musulmans ont appelé cette année-là l'année d'Al Jama'a. Hein? Et ceci s'est passé en l'an 40 de l'Hégire. Et Muawiya est mort, radiallahu anhu arda, en l'an 60 de l'Hégire. Et dans les paroles, on a cité aussi Uthman ibn Affan, radiallahu anhu arda, le troisième calife de cette communauté, l'homme duquel les anges, devant lequel les anges sont pudiques. Uthman ibn Affan, ibn Abi al-As, Qurashi. Il s'est converti au début de l'islam, à la Mecque. Et il a fait la hijra deux fois à l'Habasha en Abyssinie. Il était marié avec Ruqayya, la fille du prophète alayhi salatu wasalam, et Ruqayya a fait les deux hijras avec Uthman ibn Affan vers l'Abyssinie. Et quand Ruqayya est morte, Uthman ibn Affan s'est marié avec sa sœur Umm Kulthoum. C'est pour ça qu'il a été appelé Dhun-Nurayn, l'homme aux deux lumières. Et puis il a fait la hijra à Médine. Et lors de la bataille de Badr, le messager alayhi salatu wasalam lui a autorisé de rester au chevet de sa femme pour la soigner. Et le messager lui a réservé une part du butin de Badr. Il a compté parmi les gens de Badr qu'on déplaise al-Khawarij et à leurs similaires parmi les Sorori et les Qutbi. Et il a assisté à toutes les batailles, radiyallahu anhu arda, qui ont suivi celle de Badr. le messager d'Allah a fait l'allégeance, d'Ridwan, sur l'arbre, pour Uthman ibn Affan, le jour d'Al-Hudaybiya, qu'on déplaise Al-Khawarij. Uthman ibn Affan fait partie de ceux qui ont fait l'allégeance au messager, sous l'arbre, même s'il était l'émissaire du messager alayhi salam auprès de Quraysh ce jour-là. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a levé sa main, sa noble main sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit, celle-là c'est pour Uthman, c'est l'allégeance de Uthman radiyallahu anhu wa arda, qui noble l'allégeance pour Uthman, c'est allégeance qui s'est faite par la propre main du meilleur des messagers alayhi salatu wa sallam, qu'on déplaise al-Khawarij, qui disait que il n'était pas présent lors de l'allégeance de l'Hudaybiya. Alors que ce jour-là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé comme émissaire pour discuter avec Quraysh. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré. Uthman radiyallahu anhu wa ardah. Uthman armé, l'armée entière du temps de la difficulté, celle qui allait partir vers Tabouk, il l'a armé de sa propre fortune. Et le messager a dit de lui à ce moment-là, ce que fera Uthman après ce jour ne lui fera aucun mal. Radiyallahu anhu arda. Et aussi Uthman, quand les Muhajirun sont arrivés à Médine, il y avait un seul puits qui est, dont l'eau était douce. Et ce puits appartenait à un juif. Il s'appelait le puits de Roma. Uthman l'a acheté avec son argent. Et il a fait que l'eau soit pour les musulmans gratuitement, alors que le juif leur vendait très cher l'outre d'eau. Regardez tous ces nobles œuvres qu'a accompli ce noble compagnon Ridwanullah alayhi, malgré tout ça, Al-Khawarij l'ont assassiné. Et il fait partie, radiyallahu anhu arda, des 10 à qui le messager a annoncé le paradis. Il était réputé, radiyallahu anhu arda, d'être d'une grande pudeur et d'une immense générosité. Et il y a beaucoup de hadiths qui relatent ses mérites, radiyallahu anhu arda. Et pour plus d'informations le concernant, il faut voir au sud de l'Raba, ainsi que Tabaqat ibn Sa'd. Uthman a été choisi par le groupe constitué par Omar ibn al-Khattab pour la concertation pour Shura, pour succéder à Omar ibn al-Khattab après l'assassinat de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu arda. Et radiyallahu anhu arda a été assassiné injustement en l'an 35 de l'Hégire. Et donc, après la mort de l'Hassan, qui a délaissé le pouvoir à Muawiyah radiallahu anhu arda, certaines fractions, là-bas en Irak, ont écrit à Al-Hussein, à son frère, lui promettant de le soutenir et de l'aider pour reprendre le pouvoir. Mais ce n'était pas des dignes de confiance. Il disait, si tu es venu vers nous en Irak, on t'aide à prendre le pouvoir. Les gens doués de clairvoyance, les dignes de confiance, les dignes de conseil, qui aimaient réellement la famille du prophète alayhi salatu salam, et qui aimaient réellement le petit-fils du messager alayhi salatu salam, Hussein, comme Ibn Abbas, comme Abdullah ibn Omar et d'autres, ont conseillé à Hussein de ne pas partir vers eux, de ne pas partir vers ceux qui lui ont demandé de venir vers eux en Irak, et qui ne doit pas accepter leur invitation. Ils ont vu qu'il n'y avait aucun intérêt à ce qu'il aille là-bas en Irak, et que son départ vers l'Irak ne sera pas la cause de choses réjouissantes. Et la situation était comme ils ont senti, radiallahu anhu ardhahum. Mais le destin d'Allah devait s'accomplir. Et quand le Hussein est arrivé en Irak, il s'est rendu compte que les gens qui devaient le soutenir n'étaient pas dignes de confiance. Et il a demandé, radiallahu anhu ardhahum, qu'on le laisse revenir à son point de départ, ou d'aller rejoindre une armée pour combattre sur le sentier d'Allah, ou de le laisser aller rejoindre son cousin Yazid ibn Muawiya. Et lui ont refusé tout ce qu'il a demandé, radiyallahu anhu arda. Et il y a eu un combat entre eux, et il a été tué, radiyallahu anhu arda, et cette petite fraction qui est restée avec lui, et qui est restée de son côté, ils étaient minimes, ils étaient peu nombreux. Et là, nous nous retrouvons avec une figure de l'islam aussi, Yazid ibn Muawiya ibn Abi Sufyan ibn Sakhr ibn Harb ibn Umayya ibn Abdi Shams ibn Abdul Manaf. Ah, le Hussein a dit, laissez-moi aller rejoindre Yazid, le fils de mon oncle, mon cousin Yazid ibn Muawiya. Yazid ibn Muawiya est né en l'an 25 ou l'an 26 ou 27 de l'Hijr. On lui a fait l'allégeance pour la khilafa durant la vie de son père, pour qu'il soit son héritier après lui. Dire pour qu'il soit l'héritier de la khilafa après Muawiya radiallahu anhu arda. Et il est devenu khalif après son père en l'an 62 de l'Hijr. Et il est resté khalif jusqu'à sa mort en l'an 64 de l'Hijr. Pour plus d'informations, Ibn Kathir relate tout ça dans le Bidaya ou le Nihaya. Donc, le Hussein ibn Ali se réunit avec les Yazid ibn Muawiya au niveau de Abdou Manaf ibn Qusay, qui est le quatrième grand-père de le Hussein et qui est le sixième grand-père de les Yazid. Donc, ils ont un point. Un point, une intersection familiale où ils se rencontrent, qui est le quatrième grand-père de Hussein, qui est Abd ibn Manaf ibn Qusay, et qui est le sixième grand-père de Yazid. La mort de Hussein a causé beaucoup de mal entre les gens, et a créé une grande division dans la communauté. Et ceci a fait naître une tendance injuste et ignorante, hypocrite, égaré, qui prétend aimer les gens de la famille du prophète alayhi salam et qui prétend l'alliance à Al-Bayt et qui ont fait de Ashura un jour de pleurs, un jour de lamentation, un jour de tristesse durant lequel ils pratiquent les actes des gens de la période pré-islamique. Lamentation, griffer les visages, les condoléances des gens et les condoléances des gens de la période pré-islamique et le fait de se réunir et de faire des poésies en relatant les bienfaits du mort et ainsi de suite. Comme cela est relaté dans les fatawa d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, et d'autres recueils. Cheikh l'Islam, dans le recueil des fatawa, a dit « Shaitan, par le biais de la mort de Hussein, a innové aux gens deux innovations. L'innovation de la tristesse et des lamentations durant Ashura, et les pleurs, les cris, les assises de condoléances, durant lesquelles ils chantent des poésies, et les assises de lamentation de la mort de Hussein. Tout ce que cela entraîne, Et en plus de cela, cela entraîne qu'on insulte et qu'on maudisse les meilleurs et les premiers de la communauté qui sont les nobles compagnons d'Allah Alim. Ils se permettent durant ces assises de maudire et d'insulter les meilleurs de cette communauté qui sont les Muhajirun al-Ansar, les compagnons de Prophète alayhi salam. Et aussi, durant leurs assises, ils mettent dans le même sac ceux qui ont commis le péché, du crime, de l'Hussein et ceux qui ne l'ont pas fait. Ainsi sont insultés les premiers dans le bien qui sont le Muhajir et l'Ansar, dans les assises des lamentations. Et dans ces assises, ils lisent beaucoup d'histoires inventées concernant l'Hussein. Et il dit, rahimahullah, toujours les paroles à Ibn Taymiyyah, le but de cela, et le but de celui qui a ouvert cette porte, c'est de créer la sédition dans la communauté et les divergences et la division. Et tout ce qui se fait par cette fraction, durant, c'est-à-dire par Rawafid, durant Ashura, n'est ni obligatoire, ni surrogatoire, et à l'unanimité des soumis à Allah, le fait de se lamenter pour les anciennes catastrophes, ceci est une chose fortement interdite par Allah et par son messager, alayhi salatu wassalam. Fin de citation de ce qui est voulu des paroles de Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Donc tout cela, tout ce qu'accomplissent Rawafid durant Ashura, est en divergence avec la législation d'Allah, et avec la sunna de son messager, alayhi salatu wassalam, et avec la voix du noble compagnon, radouallah alayhim. Tout ce qu'ils font est en divergence avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné pour les catastrophes qu'on subit, il nous a ordonné de patienter et de revenir vers lui. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Allah et nous revenons vers Allah. قال عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون. La traduction approximative du verset dit: et annonce la bonne nouvelle aux endurants qui disent quand un malheur les atteint, quand ils subissent une catastrophe, ils disent certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournons. Cela reçoivent les bénédictions de leur Seigneur, et ceux-là sont les bien guidés. Fasallah al-Azim, al-Plash al-Azim, bi-asma'il husna, wa sifati al-ula, an yaj'alna wa iyaakum, min al-ladhina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana, innahu waliyu dhalika wal-qadiru alayh, wa subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salli Allahumma wa sallim wa barik, على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله لكم، جزاكم الله خيرا.